Je roule en 4x4, suis court sur pattes. Bougez vos glaces, rangez-vous que je passe. Faites pas la gueule quand je vous dépasse. Je suis comme vous, j'écoute David Guetta.